Chapitre 4. Ce qui le plus souvent fait la gravité des blessures, c'est l'état même du blessé. Chez un homme vigoureux et sain, une blessure sérieuse guérit facilement. Chez un homme débile, une blessure légère entraîne souvent la mort. Le colonel était vigoureux et robuste, jamais il n'avait été malade. Il supporta sa blessure de manière à faire l'admiration de son médecin. « C'est un vrai plaisir de soigner un blessé tel que vous, » disait celui-ci. « Vous êtes bien bon, je vous remercie. Si l'on avait toujours des blessures pareilles à guérir, on ne verrait pas si souvent les malades accuser la médecine d'impuissance. Ni les médecins rejetaient cette accusation sur les malades. N'est-ce pas juste le plus souvent ? Que voulez-vous que fasse la médecine lorsqu'elle ne trouve pas dans un malade un seul organe solide ? Où est l'impuissance ? Dans la médecine ou dans le malade ? Nous ne pouvons pas créer des organes nouveaux. Que faire lorsqu'il est impossible de se servir de ceux que nous trouvons ? « Je suis tombé à l'eau. Au secours. Sauvez-moi, docteur. Tendez-moi le bras que je vous repêche. Ne tirez pas sur mon bras, il est pourri. Alors je vais vous prendre par les cheveux. Gardez-vous-en, je porte perruque. Alors que voulez-vous que je fasse ? Noyez-vous. Canaille de médecin. Canaille de malade. » N'est-ce pas là le dialogue qui, bien souvent, avec quelques légères variantes seulement, pourrait s'engager entre le médecin et le malade ? Tandis que le médecin se félicitait de l'amélioration rapide qui se produisait dans l'état de son blessé, Horace, de son côté, s'applaudissait d'avoir remis à la comtesse Belmonte le mouchoir taché de sang. Il savait à quoi s'en tenir, lui, sur cette amélioration rapide, et sans avoir vu l'ange verser du sang dans les veines de son maître, il était bien certain que cette opération avait eu lieu. Seulement, elle avait dû se faire rapidement pendant qu'il avait le dos tourné, les anges ont tant de puissance. Et le médecin, qui était fier de ses remèdes. Aussi, chaque fois que celui-ci écrivait une ordonnance, Horace le regardait-il en souriant doucement. Il ne se moquait pas de lui, mais enfin, il le prenait jusqu'à un certain point en pitié. Des remèdes. Pourquoi des remèdes ? Est-ce que les remèdes peuvent agir sur un sang envoyé par le bon Dieu directement ? Il n'y avait qu'une chose à faire, fermer au plus vite cette blessure par laquelle le vieux sang était échappé et le sang nouveau avait été versé. En considérant à ce point de vue la blessure de son maître, Horace en arrivait à se demander si elle n'était pas un mal pour un bien. En effet, son enfance était passée dans une famille française de la Louisiane. Il avait été élevé avec les principes de l'Église catholique, apostolique et romaine, en mêlant à ses principes toutes les idées superstitieuses de ses pères. Pour lui, en dehors de la foi, point de salut dans l'autre monde, point de bonheur dans celui-ci. Aussi était-ce avec un chagrin sincère qu'il voyait l'indifférence et le scepticisme de son maître. Dans un pays où toutes les religions et toutes les sectes ont des fidèles fervents, qui vont partout prêchant la bonne parole, il était peiné, presque humilié de cette indifférence, et volontiers il eût essayé de convertir son maître, n'était le respect craintif qu'il avait pour lui. Maintenant que l'opération de la transfusion du sang s'était faite et qu'un sang divin avait remplacé dans les veines du colonel un sang païen, pourquoi cette conversion n'arriverait-elle pas tout naturellement et facilement ? Quelle joie, alors, et quel triomphe, car aux yeux d'Horace, une seule qualité manquait au colonel pour être un parfait gentleman, celle de croyant. Selon son sentiment, c'était mauvais ton d'être incrédule, et il avait horreur du mauvais ton. On sait quels féroces aristocrates font les nègres une fois qu'ils sont émancipés. Cependant, malgré la rapidité vraiment miraculeuse avec laquelle se rétablissait le colonel, il y avait une chose qui, dans une certaine mesure, entravait la marche de la guérison, c'était la pensée d'Anatole. Quand, par malheur, il venait à se rappeler les accusations du juge d'instruction, il cherchait à leur opposer des raisons qui les détruisissent, et s'en était fait alors du calme et du repos. La fin de la discussion à laquelle il se livrait en lui-même était fatalement un accès de fièvre. Éclairé par l'expérience, Horace ne parlait plus du juge, mais tout bas il le maudissait. Dans le trouble de la fièvre, le colonel le voyait lever les poings serrés avec des gestes menaçants. « À qui donc en as-tu ? À celui qui vous a mis dans cet état, donc. » Puisqu'il est mort, pas assez. Un jour, qu'à la suite d'un accès de fièvre, il était tombé dans une sorte de somnolence, et que dans sa tête, les choses réelles se mêlaient aux hallucinations d'une façon confuse, sans qu'il pût distinguer le vrai du faux, il lui sembla que Horace, qui venait de rentrer dans la chambre après une courte sortie, prononçait le nom d'Anatole Chamberlain. « Pourquoi me parles-tu d'Anatole Chamberlain ? » fit-il en s'éveillant tout à fait. « Mais je ne vous ai pas parlé de monsieur Anatole. » « Tu n'as pas prononcé le nom de Chamberlain ?»« Si, mon colonel. »« Mais je n'ai pas prononcé le nom de M. Anatole Chamberlain. Je vous ai dit que M. Antoine Chamberlain venait d'arriver au château. »« Mon oncle ?»« avec Mademoiselle Thérèse, et qu'il vous priait de les faire prévenir quand vous pourriez les recevoir tout de suite. C'était ce qu'il désirait, mais comme vous veniez d'avoir un accès de fièvre, je les ai priés d'attendre, maman. Eh bien, va les chercher. » Bien souvent, il avait pensé à son oncle, plus souvent encore à Thérèse, et plusieurs fois, il avait voulu leur faire écrire par Horace. La crainte seule de leur visite l'en avait empêché. Il avait peur de leurs questions et d'une explication, mais maintenant qu'ils étaient arrivés, il ne pouvait pas les renvoyer sans les avoir reçus. D'ailleurs, ce n'était pas du tout la même chose de ne pas prévenir les gens que de les renvoyer. Alors que Thérèse était à Paris, il avait pu prendre la sage résolution de ne pas la faire venir. Mais maintenant qu'elle était venue de son propre mouvement, il ne pouvait pas persister dans cette résolution. Il avait vu la mort d'assez près pour que son cœur affaibli eût besoin d'affection et se rejetât du côté de la famille, alors même que dans cette famille se trouvait celui qui semblait être son assassin. Antoine, si droit et si loyal, ne devait pas porter la responsabilité de l'infamie de son fils, pas plus que Thérèse, si affectueuse et si franche, ne devait être enveloppée dans le dégoût qu'inspirait son frère. Quoique l'avenir amena et décida, il était bon, il était consolant, dans l'heure présente, de mettre sa main dans ses deux mains sympathiques, celle du père aussi bien que celle de la fille. Ce fut donc avec un sourire de bonheur qu'il les reçut, lorsque, précédés d'Horace, ils entrèrent dans la chambre. « Ah, mon pauvre Édouard !» s'écria Antoine en le trouvant si pâle. Thérèse ne dit rien, mais il vit ses beaux grands yeux se mouiller de larmes, et ce témoignage muet de douleur le toucha plus que ne l'eussent fait les paroles les plus éloquentes. « Vous me trouvez changé, n'est-ce pas? Mais je vais bien maintenant. » « Je ne tarderai pas à être complètement guéri. Asseyez-vous là, près de mon lit, que je vous vois sans tourner la tête, car je ne peux pas facilement bouger à cause des bandages qui m'enveloppent. »« La blessure est horrible, dit-on, » demanda Antoine. « Assez effrayante pour les yeux, mais en réalité peu grave. Qu'on ne dise pas que l'argent ne sert à rien. C'est précisément le portefeuille qu'on voulait me voler qui a fait dévier le coup de couteau que mon assassin avait très bien dirigé et très bien frappé. Il faut lui rendre cette justice. » Par malheur pour lui, le portefeuille bien bourré a fait dévier la lame, qui m'a simplement fendu la peau de la poitrine, au lieu de me percer le poumon et le cœur comme cela serait arrivé, si je n'avais pas eu de portefeuille, ou si la poche de mon habit avait été du côté droit. Ce qui prouve que les tailleurs doivent toujours placer leur poche de côté à gauche et qu'on doit bourrer cette poche de billets de banque. Il parlait avec une sorte d'enjouement, et il avait seulement appuyé légèrement sur les mots qui disaient que l'assassin avait eu le vol pour mobile. Par là, il voulait bien affirmer, bien préciser, pour le cas où les accusations contre Anatole arriveraient jusqu'à Antoine et jusqu'à Thérèse, que pour lui, il ne les admettait pas et qu'il croyait simplement à un vol. Mais tandis qu'il s'exprimait ainsi, en plaisantant, Antoine et Thérèse l'écoutaient avec un visage sombre. Il voulut insister sur cette affirmation de vol. « Quel affreux bandit que ce voleur de grand chemin » dit-il. « Croiriez-vous, ma cousine, que souvent en dormant, je revois son mauvais regard au moment où il m'a frappé ?» Et c'est un rêve fort désagréable, je vous assure. » Puis il continua sur ce ton pendant assez longtemps, mais sans qu'Antoine et Thérèse parussent l'écouter avec attention. Évidemment, ils étaient l'un et l'autre sous l'influence d'une préoccupation grave. Étaient-ils fâchés de ce qu'ils ne leur avaient pas écrit ? « J'aurais voulu vous écrire, dit-il, mais vous voyez vous-même que je ne peux pas me servir de ma main. » « Ce n'était pas à vous de m'écrire, mon neveu. C'est à nous de venir vous voir, et c'est ce que nous aurions fait déjà. » Si nous avions connu le crime plus tôt. Mais c'est hier soir seulement que nous l'avons appris, car depuis plusieurs jours, étant pressé par le travail, je n'avais pas acheté de journaux. Hier enfin, j'ai su qu'on avait tenté de vous assassiner et que vous étiez dans ce château, blessé dangereusement. » Sur ce mot, il fit un signe à Thérèse et celle-ci se leva aussitôt. « Qu'avez-vous donc, ma cousine ? » demanda le colonel. « Est-ce que je ne pourrais pas me promener un moment dans ces jardins ? Assurément. Mais quelle étrange idée, vous êtes à peine arrivée. » « Oh, mon cousin, ce n'est pas que je désire vous quitter, croyez-le, mais mon père a besoin de s'entretenir avec vous. » Et sans ajouter un mot, sans se retourner, elle sortit vivement. « Vous avez à me parler en particulier ?» demanda le colonel, voyant son oncle demeurant silencieux, absorbé dans ses pensées. « Oui, bien que j'eusse pu parler devant Thérèse, car elle sait à peu près ce que j'ai à vous dire, mais en sa présence, je me serais trouvé encore plus mal à l'aise qu'avec vous seul. » Ceci devenait grave. « Mon oncle, je vous écoute. » Mais malgré cette invitation, Antoine ne parla pas. Enfin, après être resté la tête basse, il la releva et tenant ses yeux fixés sur ceux du colonel. « Mon neveu, vous avez voulu me donner le change tout à l'heure en essayant de nous représenter celui qui a tenté de vous assassiner comme un simple voleur. Et que voulez-vous qu'il soit ? On l'accuse d'être le complice de... d'Anatole. Qui vous a dit ? Je le sais. Cette accusation est fausse. Cet homme a tout simplement voulu me voler, soyez-en certain. Qui peut l'affirmer ? Et qu'en savez-vous ? Avez-vous des preuves de sa culpabilité ? En avez-vous de son innocence ? L'innocence se suppose, c'est le crime qu'on doit prouver. Où sont les preuves qui chargent Anatole ? C'est pour moi que vous voulez le défendre, comme c'était pour moi et pour Thérèse, que vous vouliez tout à l'heure nous donner le change. Je vous jure que je ne sais rien, ni contre Anatole, ni pour lui, et que dans des conditions pareilles, il est impossible que j'admette ce crime comme prouvé. Comme probable ? Non. Comme possible ? Je ne sais pas. Ah, vous voyez bien. Et que voulez-vous que je vous dise, mon oncle ? Tout est possible en ce monde. Il est, si on le veut, possible que vous soyez vous-même complice de cet assassinat. L'absurde est possible. Cette complicité, la mienne, le juge d'instruction m'en a parlé. Monsieur le Méauté ? Je crois que c'est en effet son nom. Enfin, un juge d'instruction de Paris qui vous connaît et qui était dans ce château au moment où vous y a apporté mourant. Monsieur le Méauté, alors. Mais comment l'avez-vous vu ? Hier, dans la matinée, un agent est venu me chercher pour que j'apparaisse au palais devant un juge d'instruction. Je ne me suis pas autrement inquiété de cette comparution, croyant que c'était quelque nouveau procès que le gouvernement nous intentait à propos de nos associations. Je me suis seulement étonné d'être mandé de cette façon, mais sans y attacher grande importance, et j'ai suivi l'agent que je n'ai pas interrogé, attendu que je n'aime pas parler à ces gens-là. Le juge d'instruction m'a fait attendre ce qu'on attend ordinairement chez ces messieurs, puis il m'a reçu. Ce qui m'a frappé tout d'abord en entrant, c'est qu'il n'avait pas son greffier. « Vous êtes le parent du colonel Chamberlain ? » m'a-t-il demandé. « Oui, monsieur. Son plus proche parent, le frère de son père, son oncle, enfin. « Je n'ai pas à vous apprendre, n'est-ce pas, l'assassinat dont votre neveu a été victime ?»« À ce mot, vous pensez si j'étais saisi. Je vous avais quitté bien portant et l'on m'apprenait que vous aviez été assassiné. Pendant quelques secondes, je suis resté sans trouver une parole à répondre. « Mon brave oncle !»« Dieu merci !» continua le juge d'instruction. « Le colonel a pu se défendre et tuer son agresseur, mais il n'en est pas moins dangereusement blessé. Et où est-il ? Au château de Chalençon, chez la marquise de Lucilière. Voyant que vous n'étiez pas mort, je m'étais remis un peu. Mais le juge d'instruction ne me laissa pas respirer. « Vous avez reconnu tout à l'heure, me dit-il, que vous étiez le parent le plus rapproché du colonel. Sans doute. Celui qui hériterait, s'il venait à mourir, intesta. Je n'ai jamais pensé à cela. Enfin, cela serait ainsi. » Et comme on a tout lieu de croire que ce n'est pas le vol seul qui a armé le bras de l'assassin, on cherche à qui profiterait la mort du colonel, et l'on trouve que c'est à vous. À moi ? N'avez-vous pas reconnu que vous étiez l'héritier du colonel ? J'avoue, mon neveu, que je fus aussi frappé par cette accusation que je l'aurais été par la nouvelle de votre mort. Mais cette fois, je ne restais pas accablé. Je voulais protester, me défendre. Le juge d'instruction m'arrêta. Comment ? Oh, pour me rassurer, il faut lui rendre cette justice. « Bien que vous soyez signalé comme un homme de désordre, me dit-il, comme un révolutionnaire qui a figuré dans toutes les émeutes contre les gouvernements établis légalement, on ne vous accuse pas de complicité dans cet assassinat. » Là-dessus, je me récriais pour faire comprendre au juge qu'on peut être un révolutionnaire sans être un assassin, mais il m'interrompit. « C'est bien, me dit-il, une discussion sur ce point n'aboutirait à rien. Je sais que vous êtes de ces gens obstinés dans leurs idées qui ne se laissent pas toucher par de bonnes raisons. » Vous soutenez qu'un révolutionnaire n'est pas nécessairement un malhonnête homme. Dans l'espèce, cela n'a pas d'importance puisque, n'étant pas accusé, vous n'avez pas à expliquer vos antécédents. Mais si vous ne l'êtes pas, il y a cependant quelqu'un qui vous touche de très près, contre lequel s'élèvent des charges graves. Pauvre père. Oui. Le moment fut cruel, quand le juge d'instruction en vint à m'interroger sur Anatole. Tout d'abord, je me troublais et je perdis la tête tant j'étais ému. Cela naturellement produisit un effet déplorable sur le juge, qui crut que je voulais sauver par des mensonges celui qu'il appelait mon fils. Il me fallut longtemps et bien des paroles pour lui faire admettre que depuis plusieurs mois, des années peut-être, je n'avais pas vu Anatole et que par conséquent je ne pouvais répondre à aucune de ses questions. « Cela sera contrôlé, me dit-il, et s'il le faut, je ferai comparaître votre fille. Mais c'est affreux. » Ce fut ce que j'essayais de dire, sans prononcer le mot, bien entendu. Il me répondit que la justice ne faisait pas de sentiments et que pour obtenir la vérité, il fallait la chercher partout où l'on pouvait la trouver. À mon tour, je voulus l'interroger et savoir quelles étaient ces charges graves qui s'élevaient contre Anatole. mais je compris au premier mot que je n'obtiendrais pas de réponse à mes questions, et même que les questions m'étaient interdites. Évidemment, ce juge, qui se défiait de moi, n'allait pas me faire connaître les accusations contre lesquelles Anatole aurait à se défendre. Mais vous, vous les connaissez sans doute, ces accusations, et je viens vous les demander. Mais mon oncle, ah, parlez sans crainte, je suis prêt à tout entendre. Et ce que vous me direz sera toujours moins terrible que ce que je me dis moi-même, à moins que vous n'ayez la preuve évidente de sa culpabilité. Mais non, mille fois non, je n'ai pas cette preuve, et sans les soupçons dont M. le Méauté m'a fait part, je n'aurais jamais eu l'idée qu'Anatole pouvait se trouver compromis dans cette tentative d'assassinat. Et quels sont ces soupçons? C'est là précisément ce que je suis venu vous demander, et ce que je vous supplie de me dire franchement, sans rien me cacher. Je suis un homme qui préfère à tout la vérité, quelle qu'elle soit. Savoir. Ah, je vous en conjure, arrachez-moi aux angoisses de cette horrible incertitude. Le colonel se défendit longtemps, cherchant tous les moyens pour échapper aux questions qui le pressaient, aux supplications qui le troublaient. Mais à la fin, il fallut bien qu'il cédât, et raconta en détail le long entretien qu'il avait eu avec le juge d'instruction, et dans lequel celui-ci avait dressé son acte d'accusation contre Anatole, ainsi que contre le fourrier. En écoutant ce récit, Antoine se cacha plus d'une fois la tête entre ses mains, bien que le colonel évitât de le regarder en parlant. « Ah, il est coupable !» s'écria-t-il désespérément lorsque le colonel fut arrivé au bout de son récit. « Il l'est, cela est certain, mon fils, assassin, assassin de son cousin !» Alors le colonel lui donna les raisons qu'il avait déjà exposées au juge d'instruction pour défendre Anatole. Mais à chacune de ces raisons, Antoine secouait la tête sans rien dire, montrant par ce geste désespéré combien elle le persuadait peu. « Un seul mot » s'écria-t-il, comme le colonel recommençait son plaidoyer en faveur d'Anatole. « Dites-moi que pour vous, il n'est pas coupable. Donnez-moi votre parole, que vous le jugez, que vous le croyez innocent. » Le colonel hésita. « Vous voyez bien que vous le croyez coupable. »« Non, encore une fois, non. Est-il innocent? Est-il coupable? Je vous répète ce que je vous ai déjà dit. Je vous jure que je n'en sais rien. »